Baltimore, une année au cœur du crime, de David Simon. Extrait choisi et présenté par Michel Pomared. Deuxième épisode, la chaîne alimentaire policière. Réalisation, Pascal Deux. Au début des années 90, l'Américain David Simon, alors journaliste au quotidien Baltimore Sun, a suivi pendant un an les inspecteurs de la brigade criminelle de la ville. Voilà en quoi consiste le boulot. Vous êtes assis derrière un bureau en métal fourni par le gouvernement au cinquième étage d'un piège d'acier miroitant mal ventilé, dans l'atmosphère duquel il se promène suffisamment d'amiante pour rembourrer la combi du diable en personne. Vous mangez la pizza du jour à $2,50 et des sandwichs à la charcuterie italienne avec supplément piment fort de chez Marco's sur Exeter Street, en regardant des rediffs d'Hawaï Police d'État sur le poste de télé commun dont l'écran 19 pouces se met tout le temps de traviole. Vous répondez au téléphone à la deuxième ou troisième sonnerie car Baltimore a abandonné son équipement AT&T pour faire des économies et le nouveau système émet des bêlements métalliques plutôt qu'il ne sonne. Si un aiguilleur de la police est à l'autre bout du fil, vous notez une adresse, l'heure et le numéro de l'unité de l'aiguilleur sur un bout de papier brouillon ou au dos d'un vieux récépissé de prêteur sur gage de 7 cm sur 12. Puis, vous mendiez ou négociez les clés d'une des 6 Chevrolet Cavalier banalisés. Vous empochez votre revolver, un carnet, une torche et une paire de gants en caoutchouc blanc. Et vous vous rendez à l'adresse indiquée où, selon toute probabilité, un policier en tenue se tiendra devant un corps humain en train de refroidir. Vous regardez le corps. Vous regardez ce corps comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art abstrait. Vous l'observez de tous les points de vue imaginables en quête de signification et de structure plus profonde. Pourquoi, vous demandez-vous, ce corps se trouve-t-il là? Qu'est-ce que l'artiste a laissé de côté? Qu'est-ce qu'il a introduit? À quoi pensait l'artiste? Qu'est-ce qui peut bien clocher dans cette image, bon sang? Vous cherchez des raisons? Overdose? Crise cardiaque? Blessure par balle? Par arme blanche? S'agit-il de plaies de défense à la main gauche? Bijoux, portefeuille, poche retournée, rigidité cadavérique, lividité? Pourquoi y a-t-il une traînée de sang avec des petites éclaboussures qui partent à l'opposé du corps? Vous arpentez les environs immédiats de la scène à la recherche de balles, de douilles, de gouttelettes de sang. Vous envoyez un flic en tenue prospecter dans les maisons ou commerces des alentours. Ou si vous voulez du travail bien fait, vous menez vous-même l'enquête de voisinage, histoire de poser des questions qui ne viendraient sans doute jamais à l'esprit des agents. Puis vous utilisez tout l'arsenal à votre disposition dans l'espoir qu'un truc, n'importe lequel, va fonctionner. Les agents de la police scientifique récupèrent les armes, les balles et les douilles pour des comparaisons balistiques. Si vous êtes en intérieur, vous leur faites prendre les empreintes sur les portes, poignées, meubles et ustensiles. Vous examinez le corps et son environnement immédiat, en quête de cheveux ou de fibres, pour le cas peu probable où le labo parviendrait réellement à résoudre une affaire, une fois de temps en temps. Vous traquez n'importe quel autre signe de perturbation, tout élément qui semble discordant. Si un objet vous frappe, une tête d'oreiller défaite, une canette de bière abandonnée, vous demandez au technicien de la porter au labo avec le reste. Puis vous leur faites mesurer les distances significatives et photographier toute la scène sous tous les angles possibles et imaginables. Vous faites vous-même un croquis de la scène dans votre carnet, représentant la victime par un bonhomme grossièrement esquissé avec des petits bâtons, et notez la place d'origine de tous les meubles et de toutes les pièces à conviction récupérées. En admettant que les policiers, en arrivant sur les lieux, ont eu la présence d'esprit d'alpaguer tous les individus à portée de vue pour les expédier au QG, vous retournez alors au bureau et servez tout ce que vous avez appris en matière de psychologie de bazar à ceux qui ont trouvé le corps. Vous faites la même chose avec quelques autres qui connaissaient la victime, qui louaient une chambre à la victime, qui employaient la victime, qui baisaient, s'engueulaient ou se shootaient avec la victime. Est-ce qu'ils mentent ? Bien sûr que oui. Tout le monde ment. Est-ce qu'ils mentent davantage que la normale ? Sans doute. Pourquoi mentent-ils ? Leur demi-vérité concorde-t-elle avec ce que vous avez appris sur les lieux du crime ? Ou s'agit-il de crack pur et simple ? Quelle est la première personne que vous devriez engueuler ? Après qui devriez-vous crier le plus fort ? Qui va écoper d'une menace d'inculpation pour complicité de meurtre ? Qui aura droit au laïus comme quoi il va quitter la salle d'interrogatoire, soit comme témoin, soit comme suspect ? Qui se verra offrir l'excuse, l'issue, la suggestion que ce pauvre salopard méritait de se faire assassiner ? Que n'importe qui dans sa situation l'aurait assassiné ? Qu'il n'a tué ce salaud que parce qu'il l'a provoqué, qu'il n'en avait pas l'intention, que le coup est parti tout seul, qu'il n'a tiré qu'en état de légitime défense ? Si tout se passe bien, vous bouclez quelqu'un le soir même. Si ça ne se passe pas si bien que ça, vous prenez ce que vous savez et vous foncez dans la direction la plus prometteuse, déterrant quelques nouveaux éléments dans l'espoir que quelque chose se débloque. Si rien ne se débloque, vous attendez quelques semaines que les analyses reviennent du labo avec résultats positifs sur la balistique, les fibres ou le sperme. Si les résultats sont négatifs, vous attendez que le téléphone sonne. Et si le téléphone ne sonne pas, vous laissez mourir une petite partie de vous-même. Puis vous retournez à votre bureau et vous attendez un nouvel appel de l'aiguilleur qui, tôt ou tard, va vous envoyer examiner un autre corps. Car dans une ville qui compte 240 meurtres par an, il y aura toujours un autre corps. Si les pièces du puzzle se mettent en place, un citoyen malchanceux a droit à une paire de menottes d'acier et à un aller simple à l'œil pour un banc surpeuplé de la prison municipale de Baltimore. Là, il attend. La date de son procès est repoussée de 8 ou 9 mois, le temps qu'il faut à vos témoins pour changer 2 ou 3 fois d'adresse. Puis, un substitut du procureur déterminé à maintenir un taux de condamnation supérieur à la moyenne, de façon à pouvoir un jour souffler un peu dans un cabinet d'avocat en droit criminel supérieur à la moyenne, vous passe un coup de fil. C'est l'acte d'accusation le plus faiblard qu'il ait jamais eu la malchance de représenter, vous assure-t-il. Tellement faiblard qu'il n'arrive pas à croire qu'il soit l'œuvre d'un grand jury digne de ce nom. Alors, auriez-vous l'amabilité de rameuter le troupeau de décérébrés que vous appelez témoins et de les amener pour les interrogatoires préliminaires ? Car cette farce passe quand même devant la cour lundi prochain. À moins, bien sûr, qu'il arrive à convaincre l'avocat de la défense de se contenter d'une réduction au qualificatif d'homicide involontaire pour une peine de seulement 5 ans avec sursis. Si l'affaire n'est pas négociée entre les avocats, rejetée ou reportée au calende grec, si par une perverse ironie du sort elle débouche sur un procès avec jury, vous aurez alors le privilège de vous asseoir à la barre des témoins, afin de réciter sous serment les éléments de l'affaire, brève éclaircie vite assombrie par l'arrivée de l'avocat de la défense susmentionné, qui va vous accuser au pire de vous parjurer grossièrement, au mieux d'avoir mené une enquête si incroyablement négligente que le tueur a échappé aux mailles de la justice. Un bon inspecteur commence par être un bon agent de police, un soldat qui a passé des années à évacuer des attroupements de dealers au coin de rue et à faire arrêter des voitures, à débouler en pleine querelle domestique et à surveiller les portes de derrière d'entrepôts jusqu'à ce que la vie d'une ville devienne sa seconde nature. Cet inspecteur se perfectionne encore en devenant flic en civil. Il travaille sur des cambriolages ou des affaires de stupéfiants pendant suffisamment d'années pour comprendre ce que cela signifie d'établir une surveillance, d'utiliser un indique sans se faire utiliser par lui, de rédiger un mandat de perquisition cohérent. Et bien sûr, il y a la formation spécialisée, les bases solides en médecine légale, en pathologie, en droit criminel, en empreintes digitales, en fibres, en groupes sanguins, en balistique et en codage ADN. Un bon inspecteur doit également se farcir le cerveau d'une connaissance suffisante de la base de données de la police existante les historiques d'arrestation, historiques d'incarcération, enregistrement d'armes à feu, carte grise, pour pouvoir passer un diplôme en informatique. Et pourtant, après tout ça, un bon inspecteur de la criminelle possède quelque chose de plus, quelque chose d'aussi enraciné et instinctif que le travail de police proprement dit. À l'intérieur de tout bon inspecteur s'activent des mécanismes cachés, des compas qui l'amènent d'un cadavre à un suspect dans le temps le plus bref, des gyroscopes qui garantissent l'équilibre dans la pire des tempêtes. Un inspecteur de Baltimore mène de front 9 ou 10 enquêtes pour homicide par an à titre d'enquêteur principal et une demi-douzaine supplémentaire à titre d'inspecteur en second, bien que les directives du FBI suggèrent une charge de travail moitié moins importante. Il traite entre 50 et 60 affaires graves d'échanges de coups de feu, de blessures par arme blanche ou par instrument contondant. Il enquête sur toute mort douteuse ou suspecte qui ne s'explique pas facilement par l'âge ni l'état de santé de la victime. Overdose, attaque, suicide, chute accidentelle, noyade, mort subite du nourrisson, strangulation auto-érotique, toutes reçoivent l'attention du même inspecteur qui a à tout moment les dossiers de 3 affaires d'homicide en cours sur son bureau. À Baltimore, les enquêtes sur les fusillades impliquant des fonctionnaires de police sont systématiquement menées par des inspecteurs de la brigade criminelle plutôt que par les hommes des affaires internes. Un sergent et une équipe d'inspecteurs se voient confiés pour tâche d'enquêter sur tout incident de ce type et de présenter un rapport complet aux huiles de la division et au parquet le lendemain matin. Toute menace sur la personne d'un officier de police, d'un procureur ou d'un haut fonctionnaire passe par la criminelle, ainsi que toute tentative d'intimidation sur un témoin protégé. Et il y a plus. La capacité prouvée de la brigade criminelle à enquêter sur n'importe quel incident et à établir un compte-rendu détaillé de son enquête signifie qu'elle a toutes les chances d'être sollicitée pour traiter les dossiers sensibles sur le plan politique. Une noyade dans une piscine municipale qui pourrait déclencher une affaire de responsabilité civile, une série d'appels téléphoniques menaçants au chef de cabinet du maire, une enquête de longue haleine sur la plainte bizarre d'un élu affirmant qu'il a été enlevé par de mystérieux ennemis. À Baltimore, la règle, c'est que si une affaire a l'apparence, le goût ou l'odeur d'un guépier, elle part directement à la criminelle. La chaîne alimentaire de la police l'exige. Réfléchissez un peu. À la tête des 2 équipes de 18 inspecteurs et inspecteurs en chef de la brigade criminelle, il y a 2 lieutenants, d'une patience à toute épreuve, qui rendent des comptes au capitaine chargé de l'unité des crimes contre la personne. Le capitaine, qui espère partir avec une retraite de major, ne veut pas voir son nom associé à une affaire qui casse les pieds du colonel chargé de la division des enquêtes criminelles. Pas seulement parce que le colonel est un homme apprécié, intelligent et noir, et qu'il a toutes les chances de se faire propulser au rang de commissaire divisionnaire ou plus haut, dans une ville où le maire nouvellement élu est noir, ainsi que la majorité de la population, qui a aussi peu de confiance que de respect pour ses services de police. Si le colonel est protégé des contrariétés, c'est aussi que tout incident susceptible de provoquer son mécontentement aura tôt fait d'un simple coup d'ascenseur d'attirer l'attention du bon Dieu en personne, Ronald J. Mullen, le sous-préfet, qui, tel un colosse assis à califourchon sur les services de police de Baltimore, exige de tout savoir sur tout 5 minutes après les faits. Et si les faits sentent mauvais, genre bavure policière, 3 fois rien, un voleur tué d'une balle dans le dos, l'ambiance change brutalement dans le service. C'est l'inspecteur Donald Warden qui, après 25 ans de boutique, a pour mission de démasquer parmi ses collègues ceux qui s'octroient le droit de faire justice eux-mêmes. Rick James roule des yeux et regarde son équipier. Ce qu'il voit, c'est un ours polaire d'1,92 m pour 108 kilos qui se fait passer pour un homme de 48 ans, aux dents écartées et aux yeux bleu foncé, avec des cheveux blancs qui se raréfient à toute vitesse et une tension artérielle qui augmente. Oui, c'est un ours. Mais il n'est pas difficile de comprendre l'avantage de travailler avec Donald Warden. Ce mec est un flic né. « Je suis juste un pauvre petit blanc pas très malin d'Ambden, qui essaie de faire son chemin dans ce monde pour rejoindre le suivant sans encombre, dit souvent Warden en guise de présentation. Et sur le papier, c'est exactement ça. Né et élevé à Baltimore, il a un niveau bac, quelques années dans la marine, et des états de service dans la police d'une longueur impressionnante, mais où ne figure pas de grade plus important que simple agent ou inspecteur. Dans la rue, cependant, Warden est l'un des flics de la ville qui a le plus d'instinct et de flair. Il a passé plus d'un quart de siècle dans le service, et il connaît la ville de Baltimore comme quasiment personne ne la connaîtra jamais. 12 ans dans le Northwestern District, 3 à la brigade de recherche des fugitifs, 8 à la brigade des vols, et maintenant 3 ans à la criminelle. En 1962, lorsque Donald Warden est sorti de l'école de police, le code était compris par les deux camps. Si vous vous en preniez à un flic, il y avait une bonne chance que celui-ci utilise son flingue, et ce, en toute impunité. Le code était tout particulièrement clair dans le cas d'un individu assez stupide pour tirer sur un flic. Dans ce cas-là, le suspect avait une chance et une seule. S'il pouvait arriver jusqu'au commissariat, il vivrait. Il serait tabassé, mais il vivrait. S'il essayait de s'enfuir et qu'il était retrouvé en cavale dans des circonstances faciles à arranger pour les rapports, il ne survivrait pas. Mais c'était une autre époque. Un temps où un flic de Baltimore pouvait dire avec aplomb qu'il était membre du gang le plus gros, le plus dur et le mieux armé de la ville. C'était le temps où le commerce de l'héroïne et de la cocaïne n'était pas encore devenu l'économie prédominante du ghetto. Avant qu'un gamin de 17 ans sur 2 puisse se révéler un sociopathe en puissance avec un 9 mm coincé dans l'élastique de son survêt. Avant que la police commence à céder aux trafiquants des pans entiers des quartiers pauvres. C'était aussi l'époque où Baltimore appliquait encore la ségrégation et où le mouvement des droits civiques n'était guère plus qu'un murmure de colère. En fait, la plupart des tirs policiers de l'époque avaient des connotations racistes. Preuve mortelle que, pour les quartiers noirs déshérités de Baltimore, la présence de la fine fleur des gardiens de la paix ne fut pendant des générations qu'un fléau parmi tant d'autres. La pauvreté, l'ignorance, le désespoir, la police. Les Noirs de Baltimore avaient grandi en comprenant que 2 délits, répondre insolemment à un flic de la ville ou pire, essayer de s'enfuir lorsqu'on était interpellé, avaient pour résultat presque garanti au mieux un passage à tabac, au pire un coup de feu. Même les membres les plus en vue de la communauté noire devaient essuyer affronts et injures, et bien avant les années 1960, le mépris dans lequel étaient tenus les services de police était quasi universel. Au sein de la police, ce n'était guère mieux. Lorsque Warden avait fait ses débuts, les officiers noirs, parmi lesquels 2 futurs commissaires divisionnaires, n'avaient toujours pas le droit de patrouiller en voiture. Ça leur était interdit par la loi. Le corps législatif du Maryland n'avait pas encore adopté la première loi autorisant aux noirs l'accès aux lieux publics. Les officiers noirs ne pouvaient pas accéder aux grades élevés, et ils étaient confinés à des postes d'ilotiers dans les quartiers pauvres, ou employés comme infiltrés par la brigade des stupes qui venait de naître. Sur le terrain, ils devaient se confronter au silence de leurs collègues blancs. Au commissariat, ils faisaient l'objet de commentaires racistes lors des transmissions et des changements d'équipe. La transformation s'était faite lentement, initiée à parts égales par l'intensification de l'activisme de la communauté noire et par l'arrivée en 1966 d'un nouveau préfet, un ex-marine du nom de Donald Pomerlo, qui avait repris la barre avec pour mission de nettoyer la maison. L'année d'avant, Pomerlo avait rédigé un rapport cinglant sur la police de Baltimore, qui avait été publié sous l'égide indépendante de l'Association internationale des préfets de police. Son étude déclarait que la police de Baltimore était parmi les plus archaïques, les plus corrompues du pays, qualifiait son usage de la force d'excessif et ses relations avec la communauté noire d'inexistantes. Les émeutes de Watts, qui avaient secoué Los Angeles en 1965, étaient encore fraîches dans l'esprit de tous les combattants des droits civiques. Et comme toutes les villes du pays vivaient sous la menace de violences estivales, Le gouverneur du Maryland et le maire de Baltimore prirent au sérieux le diagnostic de la commission. Ils engagèrent l'homme qui l'avait rédigé. L'arrivée de Pomerleau marqua la fin de l'ère paléozoïque de la police de Baltimore. Du jour au lendemain, ou presque, le commandement se mit à insister sur les relations avec les populations, la prévention du crime et les technologies policières modernes. Une série de brigades d'intervention opérant sur toute la ville fut créée et des radios de bord remplacèrent les cabines téléphoniques dont se servaient encore la plupart des patrouilleurs. Pour la première fois, les tirs policiers firent l'objet d'une enquête systématique et cette surveillance changea un peu les choses. Alliée à la pression de la communauté, elle découragea en partie les brutalités les plus flagrantes. Mais c'est le même Pomerleau qui gagna une longue bataille contre la création d'un comité de surveillance civile. Il garantissait ainsi que, dans les cas d'abus présumés, la police de Baltimore resterait la seule instance de contrôle sur les dérapages commis en son sein. Du coup, sur le terrain, les flics des années 1960 et 1970 comprenaient qu'on pouvait donner une justification apparente à un tir injustifié et améliorer encore la recevabilité d'un tir justifié. À Baltimore, la pratique consistant à planquer des armes sur les scènes de crime devint monnaie courante. À tel point qu'un certain incident survenu au début des années 1970 avait pris l'allure d'un véritable mythe fondateur du Baltimore Police Department, le BPD, pierre de touche d'une époque spéciale dans la plus grande ville du Maryland. L'échauffourée s'était produite dans une des petites rues partant de Pennsylvania Avenue, tandis que 5 inspecteurs des stupes s'apprêtaient à faire une descente sur un des pavillons, un brusque spasme de violence s'était déclenché. Dans l'obscurité d'une ruelle adjacente, quelqu'un s'était mis à crier, hurlant à un autre flic de faire attention à l'homme derrière lui, le type au couteau. Dans une montée d'adrénaline, un inspecteur avait tiré ses 6 coups, même s'il jura plus tard, jusqu'à ce qu'il eût examiné son revolver, qu'il n'avait appuyé qu'une seule fois sur la gâchette. Il s'était précipité dans la ruelle et là avait trouvé le suspect étendu sur le dos, 5 couteaux autour de lui. « Là, c'est son couteau, » dit un des flics. « Non, c'est pas ma lame, » déclara le blessé. Il désigna un autre cran d'arrêt quelques dizaines de centimètres plus loin. « C'est celle-là, la mienne. » Mais cette pratique n'était guère plus qu'une solution temporaire, et elle devint moins efficace et plus dangereuse à mesure que la population prenait conscience du truc. À la fin, la police ne put plus faire grand-chose d'autre que mener un combat d'arrière-garde, tandis que les plaintes pour abus de pouvoir se multipliaient, et que le thème de la violence policière devenait un leitmotiv. Dans l'esprit de Donald Warden, on pouvait dater avec précision la fin de l'ancien régime dans la police de Baltimore. Le 6 avril 1973, Norman Buckman, un agent de police âgé de 24 ans, s'était fait tirer 6 balles dans la tête avec son propre revolver dans une rue de Pimlico. 2 collègues qui se trouvaient à une 50aine de mètres avaient entendu les coups de feu, ils avaient descendu Quantico Avenue en 4e vitesse. En arrivant sur les lieux, ils découvrirent un jeune suspect debout devant le corps du flic mort, l'arme du crime à ses pieds. « Ouais, » avait dit l'homme, « c'est moi qui l'ai tué cet enculé. » Au lieu de vider leur chargeur, les responsables de l'arrestation s'étaient contentés de menotter le suspect et de l'emmener au commissariat. Là où autrefois, dans les rues de Baltimore, il y avait un code, il y avait à présent des flics morts et des tueurs de flics vivants. C'était Baltimore, une année au cœur du crime, de David Simon. Lu par Éric Erson-Macarel, avec la voix de Johanna Nizar. Musique originale, Emmanuel Bex et Simon Goubert. Extrait choisi et présenté par Michel Pomared, traduit par Héloïse Esquier. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Marie Lepeintre et Dali Yaha. Assistante à la réalisation, Clémence Gross. Réalisation, Pascal Deux. Baltimore, une année au cœur du crime, est publié aux éditions Sonatine.